tenter de comprendre ça qui passait. Matin, midi, soir, désolation. Yo planté en braille, aux machines, yo mâché. Vérité mandé en solution. Si maman y sourcrié, madame l'anke y pleuré. Faut trouver la papa ou yé pour tranquillité. Ou yé, Evana, Mathilda, non, Aganela, Aganela, Aganela. Digibier qu'a chanté la vie des papillons. La nuit et le jour, qu'apprend ménage. Abolir ça qu'il faut, restaurer ça qui vrai. Sorti de la ville, les hauts qui comprennent. Les hauts qui m'en déroulent, mais ça qui arrive. Illusion charlatanisme en corporation. Oh yeah. Et voilà Mathilda non Aganela Aganela. L'amour qui date l'intelligence qui l'instant. L'amour qui date l'intelligence mourir pour vivre. L'amour qui donne l'intelligence. Mais voilà Mathilda non Aganela Aganela. Tout bitin qu'a marché, tout bagaille qu'a clairé. Plaisir sans souffrance, fort dégagé. Dis maman aille à l'école sans trouver ça qui décolle. Prends patience un jour, ça qu'est sauvé. Mais là où qu'est arrivé, là où n'y pour arriver. Pardonnez j'en trouvé, pardon à séparer. Ouye, yeah. Evana, Mathilda, non. Aganela.